sur Millennium. Restez sur Millennium. On revient juste après ça. Le restaurant Les Cocotiers de Sainte-Anne, c'est le buffet à volonté midi et soir, avec ses spécialités antillaises, dans un cadre agréable. Une équipe de spécialistes vous reçoit tous les jours, dans une ambiance chaleureuse, le week-end et les jours fériés, à partir de 25€ par personne. Le samedi soir, venez chanter vos plus belles chansons au grand karaoké du Cocotier Sainte-Anne. Et le dimanche, ambiance musicale avec DJ, apéritif, entrée, plat dessert à volonté. Venez déguster les meilleurs plats de la Guadeloupe au Cocotier Sainte-Anne 2. Route de Courcelles, Sainte-Anne, réservation 05. 90 24 13 60. Envie de la meilleure pizza de la Guadeloupe? Pensez Monsieur Pizza. Monsieur Pizza se trouve au Rézé, près du marché. Monsieur Pizza, les meilleures pizzas. Tout le monde en parle. Toi aussi, vas-y faire un tour ou appelle au 06 90 93 53 75 pour commander. Monsieur Pizza, très très bon. Suivez-nous sur Facebook Monsieur Pizza. La Before Party, c'est tous les jeudis à la discothèque Le Cercle. La Before Party, gratuite pour les femmes jusqu'à 23h. Ambiance 50-50. Compas Rétro Zouk. Tous les jeudis au Cercle à partir de 21h, la Before Party, c'est avec Millennium Radio et MyTV Caraïbes. À la discothèque Le Cercle, Castel-Lamantin. Appelez maintenant et remportez votre passe au 05 90 530 944. La Before Party avec Millennium Radio. Ce jeudi soir, à la Before Party, au Cercle Castel-Lamantin, Miss Manuela. Galerie Del Grèce, tout est matière à l'inspiration. Des modèles uniques. De chambre adulte et enfance à la manger, mobilier extérieur, décoration, salon, électroménager, cuisine. Et bien sûr, la climatisation. Les stocks disponibles. Avec livraison sous 48 heures et montage de vos meubles gratuits. Nouveau, ouverture de l'espace Carré Design exclusivement aux Galeries Del Grèce. Des prix métropole sur toute la collection Carré Design. Les Galeries Del Grèce, un showroom de plus de 2000 mètres carrés d'exposition à découvrir. Rue de l'Industrie à Jarry. Retrouvez-nous sur notre site internet, Facebook et Instagram. Galerie Del Grèce, inspirée par l'excellence. Millennium Radio. Millennium Radio. Yo. Enjoy the music. Millennium Radio. Music non-stop. Music non-stop sur Millennium Radio. Quel qu'elle doit sur cette fréquence. Et danse. Je te la fais sans, je rends son sur tout son son. Claqué fait la Beyoncé. Fut tant de temps, je faisais bonne sang. Pour moi d'un billet de 200. Dire qu'on a grandi ensemble. T'as fini par nous dénoncer. Fais la mala avec l'argent des gens. Avec l'argent des gens. Fais la mala avec l'argent des gens. Avec l'argent des gens. Fais la mala avec l'argent des gens. Mais c'est maman qui t'a Beyoncé. Charge ton platage, retourne pioncer. Fais la mala avec l'argent des gens. Fais la mala avec l'argent des gens. Faut rendre l'argent des gens. De sortie, on sort pas des tanières. La mise c'est qu'elle prendra la sortie. Si elle fait des manières, noir comme le peuple bouge à la sortie. Qui est, je vais retourner mourir. Ce sont les loups sont de sortie. Fais la mala avec l'argent des gens. Il raconte plein de légendes. Il a une carrière dans le foot, mais il s'est cassé les jambes. Est-ce que tu vois de qui je parle? Si tu vois pas de qui je parle, c'est que je parle de toi. Mais bon, y'a rien de méchant. Il faut pas. Fais la mala avec l'argent des gens. Pour lui, rien dérangeant. Il dit à sa gâtie que c'est lui le gérant. Est-ce que tu vois de qui je parle? Si tu vois pas de qui je parle, c'est que je parle de toi. Mais bon, y'a rien de méchant. Fais la mala avec l'argent des gens. Fais la mala avec l'argent des gens. Faut rendre l'argent des gens. De sortie, on sort pas des tanières. La mise c'est qu'elle prendra la sortie. Si elle fait des manières, noir comme le peu bouge à la sortie. Qui est, je vais retourner pour. Les loups sont de sortie. Les loups sont de sortie. On sort pas des tanières. La nuit c'est qu'elle prendra la sortie. Si elle fait des manières, noir comme le peu bouge à la sortie. Qui est, je vais retourner pour rire. Ce sont les loups sont de sortie. Music non-stop. Music non-stop sur Millennium Radio. Quelqu'un doit sur cette fréquence. Et danse. I'm in a zone. With them noble white rum mixed with some boom. Yeah, I just wanna go celebrate with my friend them. Smoke some weed, get hype on the weekend. Yeah, cause who ya bless, no man can harm them. Hey, got a wife, why some man a plan? Fuck depression, man a strive, you know me, I live long. Ah, for the ones that me die and gone, squeeze too. We still alive, I in our mood. Live your life, dog, me attack you. I'll do whatever I want to. Still alive, I in our mood. Live your life, dog, me attack you. Be a girl, they at the cars. Motor coming to me, see, and them no inner slippers. Girl, I strip for the boss, and them no really strippers. One deal with the thing, like say it's a sneakers. She's a big Ben, so she want one man. Girl, I get wetter than snow in the winter. Girl, I get fucking I wind, damn dance now, oh, like semi-new. For the ones that we die and gone, squeeze too. We still alive, I in our mood. Live your life, dog, me attack you. I'll do whatever. With my friend them, smoke some weed, get hype on the weekend, yeah, cause who ya bless, no man can harm them, hey, got a wife, why some man a plan, fuck depression, man a strive, you know me, I live long, for the ones that me die and gone, squeeze too, we still alive, I in our mood, live your life, dog, me attack you, I'll do whatever I want to, still alive, I'm in our mood. Live your life, dog, me attack you. Some gone too soon, so we have to go on, vibe right through. But we can't lapse, keep it high and high right. And we can't trust mankind, who don't know that I could. Restez sur Millennium. On revient juste après ça.